Tortoline et Art Attack tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Calculatrice, ça c'est bon, mon bec benzène, mon compas, la table de Mendeleïev. Oh, qu'est-ce qu'il fout, Tortoli ? Attends, je l'appelle. Ouais, Tortoli ! Allô, Tortoli ! Allô, allô. Yes, ouais. Qu'est-ce que tu fous là ? Il va bientôt être 17h, c'est notre émission spéciale science, tu te rappelles, tu as pas oublié quand même. Non, il n'y a pas de souci, j'étais parti au magasin là, acheter une Casio 940X22. Bah super, c'est la spéciale science, c'est aujourd'hui. Eh ouais, mais ramène-toi vite là, je sais pas, trouve un truc, prends monte sur ton vélo, je sais pas quoi, mais ramène-toi. Je suis tout nu, t'as pas une blouse à me prêter? J'en ai deux, ça tombe bien. Nickel. Ça tombe bien. Bon bah c'est parti. Il est 17h, c'est le moment. Génétique, intelligence, dance, music, neurosciences. Sci-fi, punk, astrophysique, afrofuturisme, transhumanisme, électrochoc, indus, nucléaire, électroacoustique, recherche, robotique. Du 1er au 31 mars, c'est Panique dans les sciences. Débats, créations sonores, mix, magazines culturels et musicaux. Tendez l'oreille pour découvrir comment les sciences infusent sur Radio Panique. Plus d'infos sur www.radiopanique.org. De retour dans cette spéciale science. Nous voilà donc sur l'antenne de Radio Panique, c'est le 105.4 FM, tu connais, c'est Tortoli et Art Attack, on est ensemble jusqu'à 18h et cette fois-ci, cette semaine, une émission spéciale qui rentre dans le cadre d'un cycle, d'une thématique qui va prendre cours tout le mois de mars sur Radio Panique. La thématique, c'est les sciences. Panique dans les sciences du 1er au 31 mars 2012 sur Radio Panique. Si vous voulez en savoir plus pour ce que feront nos collègues, les autres émissions, etc., n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.radiopanique.org. 105.4 FM, c'est la radio, c'est scientifique. Tortoli, tu voulais nous montrer un petit peu comment ça marche la radio? Oui, voilà, les différents types de fréquences, je sais que tu as tout préparé. Exactement, Fred. Tout alors est... voilà, je me trouve au fond du camion, la FM, fréquence moyenne. Ouais, je crois. Paraît-il. Ouais, c'est bien parti. Musical, non, je sais pas. Que la fréquence radio... musicale ou fréquence moyenne? Moyenne, sûrement. Ouais, un peu des deux, je pense. Ouais, laissez les deux, en fait. Parce que nous, on est à la fois moyen et à la fois musical. Voilà, donc... C'est Tortoli Art Attack. On est comme tous les mardis de 17h à 18h sur l'antenne de Radio Panique. Et donc, c'est une spéciale science. On va brosser le territoire des sciences dans le sens du poil d'Art Attack, qui est, ma foi, assez long aujourd'hui. Exact, et spécialement. Et donc, un petit vite fait, il y aura un petit peu de chansons françaises, il y aura un petit peu de hip-hop façon scientifique, il y aura également quelques jeux de mots, ça c'est inévitable. Évidemment, bah ça c'est... Mais surtout, il y aura du bon son, et voilà, on va essayer de vous faire découvrir la science à notre sauce. Oui, Évidemment. De toute façon, j'ai une formation scientifique à la base. Donc, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, je prépare pas grand-chose. Moi, j'ai quand même une bonne base là-dessus. Les sciences sont partout, quoi, je veux dire. Les sciences, elles font partie de notre quotidien. En fait, les sciences, c'est quoi? Bon, c'est simple. J'ai pas préparé de définition, mais je me lance. Allez, lance-toi, Fred Arbatax. Voilà, la science fait partie de notre quotidien. On a l'impression que c'est un petit peu déroutant comme ça, que c'est réservé à une petite élite d'ingénieurs, etc. C'est faux. C'est faux, elle nous concerne tous. On peut tout expliquer. Par exemple, pourquoi vous m'entendez là actuellement? Pourquoi ma voix passe dans le micro et qu'elle ressort dans votre enceinte? Pourquoi je fais vibrer mes cordes vocales? Pourquoi j'ai une chemise à carreaux? Tout est explicable et c'est même en normal. En fait, tout est normal. C'est voilà. Normal. C'est ça, en fait, la science rend les choses normales. Donc ça, c'est le contraire du magique, la science, si je peux me permettre. Il n'y a plus rien de magique, tout est normal. Tout est, voilà, ça explique tout, quoi. Quand on dit scientifiquement prouvé, scientifiquement réfléchi, approuvé, genre, etc. Voilà. C'est normal. Ça a été démontré par A plus B. Et même dans les pires situations, je veux dire, par exemple, dans le prochain morceau qui va venir. C'est normal. Voilà, c'est qui? C'est Areski. C'est Areski et Brigitte Fontaine. Voilà, ils sont dans un incendie, mais relax. Areski explique à Brigitte Fontaine un petit peu le... C'est normal. Ça brûle, c'est normal. Ils vont mourir, c'est normal. Ce n'est que la fin de la vie. Enfin bref, vous allez voir, ils vont l'expliquer mieux que nous. C'est ça les sciences. C'est super. On est ensemble jusqu'à 18h, Tortoli et Arbatax. C'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu un truc bizarre? Si. Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La la la la. La la la la la la la. La la la la. La la la la. La la la la la la la. Dis-toi. La la la la la. Tu sens pas le brûler? Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion... La quoi? L'agitation moléculaire. Ah ouais. Provoque une élévation thermique, ouais, suffisante pour enflammer les matières environnantes. Ouais, ouais. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Tu comprends? Ouais, ouais. La la la la la la. Mais la, alors... La la. La la la la la la la la. Qu'est-ce que tu voulais? La la la la la. Je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça? Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends? Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Ouais. Alors le feu s'empare très facilement des matières. Ouais. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. Ah, c'est incendie. Normal. Ouais, ouais, ouais. Ouais. La la la la la la la la. La la la la. La la la la. La la la la la la la. La la la la. La la. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu? Écoute, oui. Essaie de comprendre, c'est très simple. Oui. Tu te souviens la combustion? Ouais. La destruction de l'immeuble par les flammes? Oui. Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien. Ouais. Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Mais alors, on va tomber. La la la. Mais oui. Du 15e étage. C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La. D'accord. La la la la la la la la la la la la la la la. la la, quoi, quoi. Pardon, mais je pense à un truc. Ouais. On va pas mourir dans une minute. Brigitte, tu es fatiguante. Pardon. Non, on est en train de tomber. Oui. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, ouais. Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tue. Ouais. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends ? Ouais, ouais. Si ça sera un robot quand elle sera faite. Ce sera un robot. Il la commandera et... Il ne dit pas tout. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Quel est le principe du moteur à explosion ? L'énergie thermique produite par combustion. Quelle est sa dynamique et ses multiples fonctions ? Voyons le principe du moteur à explosion. La soupape d'admission s'ouvre, le piston aspirant ainsi le carburant. Le piston comprimant remontant le carburant. Ensuite a lieu le troisième temps. Les soupapes étant fermées, le piston redescend. Les soupapes s'ouvrent, le piston pousse en montant. Le piston pousse en montant et tout ce système fonctionne en utilisant l'énergie thermique du mélange carburant. Aspiration, compression, temps moteur, expulsion sont les données de la propulsion. Mais attention, nous ne parlons ici que des types de moteurs à explosion. Oui, quel est le principe du moteur à explosion ? Quel est le principe du moteur à explosion ? Voilà. Le principe d'explosion. Le principe d'explosion. Quel est le principe du moteur à explosion ? Quel est le principe du moteur à explosion ? Quel est le principe du moteur à explosion ? Quel est le principe du moteur à explosion ? Quel est le principe du moteur à explosion ? Quel est le principe du moteur à explosion ? Quel est le principe du moteur à explosion ? Quel est le principe du moteur à explosion ? L'énergie thermique produite par combustion. Produite par combustion, produite par combustion, combustion, combustion, combustion. Oh, voilà le principe du moteur à explosion. Mais non, mais non. Excusez-moi, mais je vous en prie. Voilà le principe du moteur à explosion. Qui fut à l'époque une vraie révolution. Une vraie révolution. Une vraie révolution. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Merci. Bon, c'est fini. On y va. J'ai lu dans je sais plus quel magazine que... En Belgique, 10% de la population est exclue du jeu de la société. Mais c'est un cauchemar ! Vous réagissez négativement ! Et le tiers-monde, vous en faites quoi ? C'est une bonne question ! D'écouter Radio Panique. Sur place ou emporté ? D'écouter Tortoli et Arbatax. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Agissons ensemble contre l'analphabétisme. Science, ça m'a toujours énervé. Enfin, j'ai toujours été une pipe. J'ai toujours été une pipe. Arbatax, Arbatax, Arbatax. Salut et re-bienvenue sur Radio Panique 105.4. Tu n'as pas le droit de dire ça. L'émission spéciale science. La science, c'est fun. La science, c'est du lourd. La science, c'est pour tout le monde, la science. Voilà. Hein. Non, c'est vrai, tu n'as pas le droit de dire toutes ces choses-là. Tu peux pas dire que la science ne t'intéressait pas. Je t'ai dit ça en antenne, on n'était pas à l'antenne. Enfin, quand je dis ne t'intéressais pas, tu l'as bien dit que... Ah non, j'ai rien dit. Ce thème ne t'allait pas du tout. Bon, c'est vrai, j'allais... Ok, d'accord, si tu veux me faire cracher le morceau, c'est vrai que j'ai jamais été très bon en science, pardon. Oui, là, tu... Moi non plus. Apparemment... Apparemment, c'est commun. Ah, c'est parce que j'ai un esprit un peu plus littéraire, peut-être, en fait. C'est possible. Plus sciences humaines, tout ça. Mais tu tombes très bien. Je m'intéresse plus à la magie, je veux dire, tu vois, tout ce qui est magique. Moi, je veux pas que ce soit normal. Un peu la tête dans les étoiles, quand même, je veux dire. Ah non, l'astronomie, c'est sympa, ça. Ça, voilà. C'est sympa. Moi, je suis sagittaire. J'adore l'astronomie. Ta mère, c'était Elisabeth Tessier, non? Oui, exactement. J'ai déjà croisé. Mon soleil. Exactement. Eh bien, très bien. En parlant de littérature et non de science, nous allons passer à une chronique un peu plus littéraire que scientifique. Ah oui, d'accord. Puisqu'il s'agit de l'expression de la semaine. Eh ben voilà, effectivement. Effectivement. L'expression de la semaine, deux expressions s'affrontent. Et là, en l'occurrence, c'est une semaine scientifique placée sous le signe du bec benzène. Et donc, nous devions proposer des expressions. Voilà, exactement. Scientifiques. Et je vais commencer. Ah vas-y, voilà, je t'écoute. Je vais commencer. Mon expression c'est Oreca. Oreca, voilà. Qui a prononcé cette phrase, je ne sais plus. Aristote, je ne sais plus. Oreca. Oreca, je crois que c'est ça. Tu veux que je fasse une petite recherche oui. En direct live. Si tu veux. Enfin, je crois qu'un. Je ne m'entends plus du tout là, par contre. C'est normal, j'ai un petit souci. Voilà. Je n'ai pas le retour dans le casque. Hein. C'est scientifique. Stéréo, mono, je t'explique pas. C'est scientifique tout ça. Ok. Oreca, parce que ça c'est Oreca, c'est quand on cherche du travail. Dans l'hôtellerie, la restauration, les cafés, tout ça. Le secteur de l'Oreca. Oreca, j'ai trouvé. Enfin, j'ai pas encore trouvé de taf, mais ça va venir. Quand j'en aurais trouvé un, je dirais Oreca. Est-ce que tu cherches dans l'Oreca? Oui, tout à fait. De ma formation littéraire, ça me permet quand même pas mal de bosser dans ce milieu-là. Alors mon cher Arbatak Jamy, écoute bien, puisque j'ai une solution. Une information scientifique. Une information scientifique. Par rapport à Eureka ou Oreca. Eureka, j'ai trouvé, ça aurait été... Aristote. Prononcé. Non. Ah, Platon. T'as les premières lettres, non. Dommage. Aristide. Non. Harry Potter. Archimède, né en 287, mort en 212. Et c'était donc sur la poussée d'Archimède. C'était par rapport à la poussée d'Archimède dans sa baignoire, c'est ça? Exactement. La fameuse poussée d'Archimède. Voilà, donc c'était ce mathématicien et physicien grec Archimède qui aurait prononcé ces mots. Je dis aurait puisque c'est du conditionnel. Ça. Rien à voir avec aurait en Bretagne. Toujours est-il que c'est Archimède, Eureka, voilà. Eureka, j'ai trouvé par deux fois. Alors l'homme deux fois, ouais, donc c'est Eureka, d'accord. Il dit Eureka, et après il dit j'ai trouvé. Voilà, bah quand j'aurai trouvé un taf dans l'Eureka, je dirais Eureka, par deux fois. Mais peut-être que lui bégayait. Hein. Ah, c'est possible. Alors, Archimède bégayait, ne bégayait-il pas? Tous sur vos claviers, c'est la question de la semaine. Non, mais on s'en fout totalement. Deuxième expression, Tortoli. Alors moi, Tortoli, expression. Mon expression est après Jésus-Christ, de manière historique. En termes de date, on en est où? On n'est pas trop sur du Archimède, du Platon, etc. C'est plutôt du Fred, du Jamy, du Marcel. Ah oui, d'accord. Je te parle de l'émission C'est pas sorcier, et mon expression est donc la suivante. C'est pas sorcier. D'accord, ok, très bien. C'est pas mal. C'est aussi une façon de dire que cette thématique de science, pour nous, la préparation de l'émission, n'était pas sorcière. Sorcière. Ah, mais parce que, oui. Ça se décline. Hein, selon les... Donc vu qu'il n'y a pas de neutre, c'est masculin ou féminin. Voilà. Alors voilà, je rappelle ce que c'est que le neutre. Le neutre, ce n'est pas asexué, donc en SVT, en sciences et vie de la Terre. Tout à fait, Jamy. Voilà. Mais par contre, ici, nous, dans notre langue française, nous avons que un masculin ou que un féminin, il n'y a pas de neutre. Il faut choisir. Hein. C'est un peu le problème pour certains d'ailleurs. Hein. Il faut choisir à un moment donné. Ben moi, j'ai choisi. Ah ouais? Je suis pas obligé de le dire, mais oui, j'ai choisi. Mais t'es pas obligé de le dire, exactement. Exactement. Non, mais ça ne nous intéresse pas. Je vais le dire. Ah. Scoop. Pas tout de suite. Jingle. Voilà. Donc c'est pas sorcier, mais c'est pas mal ça, c'est pas sorcier. Cette expression, c'est pas sorcier, hein, exactement. Faut pas sortir de la cuisse de Jupiter pour. Hein, bon. Ah, il y a quand même des passages de l'émission qui ont été répétés. Hein. Ah bah... Je veux dire, on laisse pas tout au hasard. Entre le 4e et le 5e étage, juste avant d'arriver dans les studios, c'est parfait ça. Ah ouais, bien vu. Bien vu. Bon, hey, dis-moi, voilà donc. Attends, j'ai plusieurs cerveaux qui me parlent en même temps. L'expression de la semaine, c'est calé, à voter pour Oreka, Oreka par deux fois. Et C'est pas sorcier. Voilà, merci. Parce que là, en fait, j'ai pris de l'hélium. Et du coup, je peux te parler comme ça. Voilà, bah, c'est super. Donc, t'as choisi apparemment ton... J'ai choisi l'hélium. Ouais. Ok. La vie, c'est l'hélium. Expression de la semaine pour cette semaine. Attends, laisse-moi parler. Ok, à voter sur Facebook, juste en dessous de la chronique, qu'est-ce qu'on a la semaine, tu choisis. Ça, c'est déjà fait. Par contre, je reviens tout de suite, un SMS qui défile sur qui défile sur le tableau de SMS qu'on a devant nous. Sur le tableau noir à la craie. On a un grand tableau, un grand tableau de SMS. Tu veux que je te change ta voix apparemment aussi, Herbatax oublié de... Oui, tu peux la changer. On a apparemment oublié de... Ah, c'est génial comme ça. Voilà, de répéter... C'est vraiment une émission scientifique. De signaler... les deux morceaux que nous avons eu juste avant. T'as une sacrée grosse voix, hein. Y a pas de problème. T'as moi que aussi, la voix de grosse. J'ai choisi, hein, je ne suis pas neutre, je te l'ai déjà dit. Je vois ça. Le premier morceau tout à l'heure, c'était C'est normal. T'as une grosse voix. De Areski et de Brigitte. C'est comme François Fontaine. Barouin. En plus, t'es né à Troyes comme lui. C'est génial. Excellent, excellent. Oui, mais lui, c'est pas pareil, lui, c'est la nicotine. Hein. C'est pas. Non, moi, c'est pas la nicotine. C'est autre chose. C'est qui la nicotine? C'est une amie à toi. La nicotine, composant essentiel hein, du tabac. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Y'a pas de problème, on peut quand même en parler. La science a aussi ses tabous, je veux dire, voilà. Toi, t'aimes bien jouer au tabou? Oui, oui, j'adore, je suis très fort d'ailleurs. Ok, moi je te propose un nouveau jeu, c'est d'écouter la prochaine chanson. J'arrive plus à te parler. Attends, j'arrête avec les merci. Liens, ça y est. Parce que là j'ai envie de tout expliquer comme un enfant. J'ai envie de te parler comme un enfant hein, c'est ça qui est génial. Ça y est. Voilà. De retour. Bah, ça fait plaisir. Et donc le prochain morceau. Oui, non, et alors non, et je continue juste avant l'expression de la semaine, c'est la chanson Moteur Explosion du groupe Chanson Plus Bifluoré. Voilà, bon, c'était pour la petite info, c'est moi qui. Moi j'ai quelques infos, hein, si. Oui, bah vas-y. Si vous le voulez. Oui. En fait, Chanson Plus Bifluoré ont fêté leurs 25 ans l'année dernière. Excellent. Voilà, excellent. Donc c'est pour vous dire qu'ils excellent. Sont pas tout jeunes. 25 ans dans l'anonymat total, quoi. 25 c'est long. Ans, bah, c'est long. Et ouais, et c'est des gars originaires de Montpellier. Voilà, d'accord. Ils étaient 4, ils sont 3. D'accord, Chanson Plus Bifluoré, d'accord. Et le gros titre de ce groupe, c'est Moteur Explosion, j'imagine. Il y a eu Jivayo, un truc comme ça. Et... D'accord. à chercher sur YouTube à essai. Je vous confirmerai. Oh là, elle est bonne. Elle est bonne. Ça marche pas pour YouPorn, hein, ta blague. Non, mais on trouvera quelque chose. Suite de notre émission spéciale science, car Panique est dans les sciences cette semaine. Tendez bien l'oreille pour découvrir comment les sciences infusent sur Radio Panique cette semaine. Science infuse. Magnifique, ça, quel beau petit lancement. Et on va peut-être passer du côté du rap, du hip-hop, puisque nos amis des banlieues, hein, je dirais, puisque voilà, bon, ça vient de la street quand même, le rap à la base. Ah là. Y a des sciences aussi en banlieue. Là, je pose ma règle sur ta bouche, puisque je ne suis pas tout à fait d'accord. Étant donné que les deux prochains groupes que nous allons passer ne sont pas forcément issus de la banlieue. Hein, d'accord. Étant donné que le premier morceau qu'on va vous passer, c'est une parodie par deux humoristes qui s'appellent Ali et Nico. Oui. C'est assez sympathique. Les noms font pas trop rire, mais voilà, ils doivent être très drôles. Ouais. Le reste est assez drôle, notamment une chanson qu'ils ont fait qui s'appelle E égale 2MC Eureka. Ah, deux MC, d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, c'est une parodie un petit peu sur le milieu scientifique. vous allez très vite comprendre. C'est assez bien foutu. Et juste derrière, il y a un groupe qu'on ne présente plus, trois lettres. TTC. Voilà. Et le titre s'appelle Non-Science. Donc voilà, c'est une forme d'hommage aux sciences. Non-sens, science, non-sens, non-sens. Est-ce que ça a du sens, tout ça? Je ne sais pas, on trouvera. Voilà, Ali et Nico, tout de suite sur Tortoli et Herbatax. Voilà. C'est une spéciale science. Hein, c'était cliniquement prouvé, c'est ouais, c'est ouais. Du bon. Ça se passe à l'arrière d'une Merco Bec Benzène. Ouais, c'est le son des scientifiques. Tu peux pas nous tester en physique. Dédicace à la cité des sciences. J'en place une pour la géode. La NASA est là aussi. Frère des amis. Si, si, la famille. C'est pour les potos partis trop tôt. Albert Einstein, c'est pour toi, négro. Ouais, ouais, ouais, mec. Chimie, chimie, chimiste. Chimie, chimie, show. Hey yo, hey yo. Blouse blanche, des lunettes triple foyer et les souris blanches. Je dis c'est que par milliers et parmi les chercheurs. T'inquiète, c'est moi le plus taré, t'as raison de flipper. Je suis un vrai savant, ouf. J'analyse tes organes et je les vends sur surcoût. Bouge ton boule devant mes éprouvettes. Je sais que tu trouves ça cool, les expériences sur les crevettes. Et si je suis crevé, petit idiote, c'est que je cherche l'antidote qui me fera rentrer dans ta culotte. Car il faut du culot pour travailler dans un labo. Dans mon équipe, pas de collabo, juste des mecs pas très beaux, avec de gros cerveaux, qui aimeraient bien chiner des go. Car c'est beaucoup plus marrant que de vendre l'uranium à l'Iran. Demande à Mitterrand, demande à Mitterrand. Quand je dis E-R-K, on lève les bras. Si je dis O-G-M, c'est ça qu'on aime. Mais t'inquiète mec, ici c'est le CNRS. J'ai 1500 chercheurs qui vont te faire bouger les fesses. Quand je dis E-R-K, on lève les bras. Si je dis O-G-M, c'est ça qu'on aime. Mais t'inquiète mec, ici c'est le CNRS. Le son des scientifiques qui te fait passer ton bac S. Ouais ouais, les frères Bogdanov, on vous oublie pas. Furtif comme la comète de Halley, bien plus frais qu'une bouffée de ventoline inhalée. J'appose mon son de gringalet, représente tous les refrains de la Silicon Valley. Je fais des expériences avec des bébés phoques, les gens qui se rendent. Et moi je leur dis fuck. Mais t'inquiète mec, y'a pas de limite à la science. Si je veux je te gratte tes cheveux pour que tu puisses foutre de l'ambiance. Tout saoulé, on travaille même en guino. En équipe c'est plus facile pour michetonner les atomes. Je fais des featuring, même au futuroscope. Pas besoin d'un microscope pour voir qu'on fait du bon hip-hop. Demande à Robocop ou à Jean-François Cop. Et on est OK. Quand je dis E-R-K, on lève les bras. Si je dis O-G-M, c'est ça qu'on aime. Mais t'inquiète mec, ici c'est le CNRS. J'ai 1500 chercheurs qui vont te faire bouger les fesses. Quand je dis E-R-K, on lève les bras. Si je dis O-G-M, c'est ça qu'on aime. Mais t'inquiète mec, ici c'est le CNRS. Le son des scientifiques qui te fait passer ton bac S. On est tout un gang, ayant le même cerveau que Kang. On étudie le Big Bang en tirant tant du tang. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Je crois que j'ai inventé le ragamuffin. Voilà, ferme-la et écoute ça. Docteur en physique nucléaire, je vais faire du break à mes hamsters. J'ai des posters de Pasteur, mon passe-temps pasteurisé. Et le lait demi est crémé. Et ça, je le fais pour mon bébé que j'ai cryogénisé. Moi, je me cale sur Arte, toi, tu te mates Eurosport. Chez nous, tu trouveras pas l'équipe, rien à foutre du ballon d'or. Ici, c'est Science Civis Junior, représente jusqu'à la mort. Je fais un tube avec un tube à essai. Mais n'essaie pas de m'entuber ou je reformate ton PC. Et puis si tu veux faire comme nous, sans diplôme, c'est pas sorcier. Tu montes une émission dans un camion comme c'est pas sorcier. C'est vrai que là j'étais en galère de rime alors je l'ai cloné. Comme Georges Clooney. Au cirque j'aime bien aller voir les clowns. Et un jour j'aimerais bien... Tais-toi, ta gueule. Quand je dis E-R-K, on lève les bras. Si je dis O-G-M, c'est ça qu'on aime. Mais t'inquiète mec, ici c'est le CNRS. J'ai 1500 chercheurs qui vont te faire bouger les fesses. Quand je dis E-R-K, on lève les bras. Si je dis O-G-M, c'est ça qu'on aime. Mais t'inquiète mec, ici c'est le CNRS. Le son des scientifiques qui te fait passer ton bac S. Quand je dis E-R-K, on lève les bras. Si je dis O-G-M, c'est ça qu'on aime. Mais t'inquiète mec, ici c'est le CNRS. J'ai 1500 chercheurs qui vont te faire bouger les fesses. Quand je dis E-R-K, on lève les bras. Si je dis O-G-M, c'est ça qu'on aime. Mais t'inquiète mec, ici c'est le CNRS. Le son des scientifiques qui te fait passer ton bac S. Ouais ouais, on est official. Comme une courbe sinusoïdale. Ouais, on met des pulls en jacquard comme Albert Jacquard. Hiroshima, Godzilla, même combat. Ouais, ouais. J'ai un flow in vitro. E égale 2MC. E égale 2MC. Bon, 1 plus 1 égale 2. Non. 1. On parle une. Pour un, on est ensemble. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 oui. Plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Identité TTC Flash Gordon Rhythm Master salé. Oh. Non. Alerte générale. C'est rien. Votre planète est en danger. Musique expérimentale. Ouais. Non, science. C'est parti. Atmosphère écarlate, souviens-toi des sons de la nourriture. Concours de pyjama mental. Non, demain, j'ai mal. Panique, le poil des abeilles, le parfum des algues moites. Je n'en veux plus, madame, je suis allergique aux extraterrestres. C'est ok, est-ce que j'attache des M6 pour faire des crash tests? Mon flux d'air faut d'abord en sélectionne les meilleurs rimes, collectionne les collecteurs, correctionne pour qu'il n'y ait plus d'erreurs, perfectionne alors. Lui, c'est un cow-boy en string qui s'enjuit avec du nord. V'là l'ambiance. Ex, une petite go qui porte des semelles compensées. Une femme de ground dans le délire des sports. Et quand ton trou de balle se sent fort, qu'est-ce qu'on s'éclate qui se dématérialise seul? Il est biodégradable, l'atmosphère détendue. Cadence soutenue, intense, non science avec prestance, rime extensible dans le sens propre. Insecticide des rappeurs abordent ton. Le cimorol à la laine, la fricheur à la femme, le cabaret aux acteurs, le sucre à la canne. Le rhum à ma gorge, mon fluide à la rage, mon horloge biologique tourne. Plus d'une fois on m'a pris pour un bord, j'ai chopé dans l'asile, c'est pas grave. Non, science égale arrogance, indépendance égale citron, citron dans ma d'esprit. Lesbienne, espiègle dans l'atmosphère, intrigant, excitant, incident, résident dans Paris, j'ai président. Fer, plastique, platine, meilleur, majeur, tendu à corrompu visage. TTC attendu, mauvais présage, fondu au-dessus d'un bloc de glace qui peu à peu avait fondu. Si ton intelligence savait, tu exploiterais davantage. Erreur commise dans un passé lointain, mais je détiens le futur. Assure ma personne à l'aide de réflexion intérieure. Questionne, check sa sale pute. Pourquoi? J'ai faim, c'est faux. J'aime bien tous les seins, les petits, les gros, les moyens. Maquiller le cratère en bombe sexuelle, et puis c'est très bien cette coupe de fond de teint. Tu es très belle comme as, tu fais pas du tout pétasse. Personnel, ce chocolat, hologramme, faute d'orthographe. C'est que je ne sais rien, mais je le sais. Et pas toi. Pas toi, dialecte complexe, je dis rien. Parfois, je déteste l'être humain si froid. À côté de moi, ce sont des acariens. Les acariens ont envahi mon matelas, donc je leur donne à manger, mais ils n'avalent rien. Et c'est le mien qui fait le tien, donc fais le bien. Alors prends-nous la main. Il faut de tout pour faire un monde, demande à Arnold ou à son père adoptif, Monsieur Drummond, attentif, sois le soigneux de ton appareil auditif. Vas-y, kiff. Les festivités sont ouvertes, tu t'es pris pour Julia Roberts. TTC en sonne l'alerte, un phénomène, une sorte d'orage électrique qui éclate. Un vertébré, 1, 2, 3, 4, trop tard pour l'espoir. Le monde est divisé en bouteilles, donc je dors puis je me réveille. Je me laisse faire, j'espère que c'est la fin du début de l'intérieur d'un vocal vide. Pourquoi ne veux-tu pas être mon ami? Je suis une superstar du hasard. Vieux Jesse, j'ai détruit de nombreux MC. Ah oui? Ah oui. N'aie pas peur, ABBA Select Start. J'ai besoin d'un ventilateur, il fait trop chaud dans mon oreille intérieure. Poulpe, descendant d'une casquette pourpre, comme les larmes des géants de la menuiserie et de l'aménagement. Des strings, de la weed, des piercings, des gwynes. Un bon smash de Patrick Ewing. Un ring ou KO sont mes adversaires. Non-science, science du non-sens. Contraire de la conscience, connaissance de l'inconscient. Oh, ma pupille s'élate, mes tapons éclatent, ma conception du monde s'échappe. Non-science. Surtolie et Arbatax. Ce n'est pas, je vais dire, du métier, il n'y a pas de diplôme. Je vais dire, ça peut, je vais dire, étonner plus d'un, mais je vais dire, moi, on s'aime. Et, bon, ben, je vais dire, sur place, je vais dire, je pouvais rien faire de mieux que d'entendre. Surtolie et Arbatax. Et de poser le même acte technique. Radio Panique, 105.4. Je vais dire. Donc il n'y a aucun danger, je vais dire, pour la personne. Il n'y a aucun danger pour la personne en écoutant Tortoli et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h. Et cette semaine, nous sommes dans une spéciale science. Et ouais, ça une va. Une spéciale scientifique. Vous avez trop de la science. Mais non, c'est pas très science. Hein. Et vous venez d'écouter, justement, en parlant de patience, vous venez... Ah, oh là là, mais celle-là, je ne voulais même pas la faire. Et toi, t'as conscience, toi, que tu fais des choses comme ça? Science non conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. tu t'es mis en conscience, là. Ça va, oh. Tu te mets en conscience, là. T'as chaud ou quoi? J'ai la conscience tranquille, mon mec. On vient d'écouter TTC, donc, avec le morceau non science. Et avant, la petite virgule sonore calée entre les deux morceaux, c'était bien évidemment une interview de notre compatriote JCVD, Jean-Claude Van Damme. Sa théorie des chiffres 1 plus 1 égale. Attends, je vais appeler Mac Lesgui. ça fait 2, et bah non. Et non. Ça fait 1. Il l'a dit, ouais, ça fait 1. Ou 11. Mais enfin, bref, génial. Et c'est là que c'est beau, quoi. Et c'est là que, si tu veux, l'humain et l'imagination. En fait, c'est. D'ailleurs, en parlant d'imagination, c'est Einstein qui disait, de toute façon, la connaissance, je veux dire, vaut mieux avoir plus d'imagination que de connaissance, quoi. Et lui, déjà, c'était un grand scientifique. Bah, lui, il savait. Bah oui, il savait. Et il reconnaissait qu'il fallait. Que la science sans l'imagination. Ça ne servait à rien. Parce qu'en fait, il faut quand même avoir de l'imagination pour aller savoir où chercher. La science ne vient qu'après. Enfin, bref. En fait, il rebondissait sur ce qu'avait dit Rabelais, quoi, tout simplement. Mais ils se rebondissaient ensemble, j'ai l'impression. Rabelais, Einstein, Galilée, Archimède, c'était du. C'était des potes, quoi. Bah, ils étaient dans le même labo. Ah oui, ah voilà, mais c'est ça. Ils avaient un labo commun, en fait. Exact. Au labo, on les appelait les gars du labo. Les gars du labo. Ouais. Tu sais, des fois, on les croisait à la cantine. Ouais, ouais. Ils disaient, ouais, quelle pipe et tout. Trop marrant. Ouais, ils se chambraient et tout, je m'en rappelle. Ils roulaient en Mercobenz Benz. Oui, en Mercobenz. Big Benzens. D'ailleurs, mais Tortelli, où te trouves-tu actuellement là? Parce qu'on déconne, on déconne. Et en fait, apparemment, tu te trouves dans la salle circulaire du Palais des Sciences au Palais de la Découverte à Paris. Oui, c'est ça. Et en plus, j'ai repris de l'hélium. Alors, calme-toi, mon cher Tortelli. Alors, Fred, je suis. Alors, qu'y a-t-il dans cette salle circulaire du Palais des Sciences à dans Paris? Dans cette salle circulaire du Palais des Découvertes, il y a toutes les inscriptions du chiffre pi. Ah, mais excellent. Pi ne se résume pas à 3,14. Non. Voilà, 3,14. Non, mon petit Jamy. Moi, j'en connais plus que ça. 3,14. T'en connais combien? Je connais les deux après. 3,14, 116. Enfin, donc, 3, ça 4... fait 3,14, 16 quoi. 3,416. Je suis pas d'accord. Donc, j'en connais au moins 4 après la virgule. 4 non. Décimales. En fait, c'est une réduction que tu nous as fait. Puisqu'en fait, le vrai chiffre. Il y en a plus que ça. Le vrai chiffre, il est de 3,14159265358. Oui. Attends, j'ai pas tout retenu. Fait... Attends, je prends un stylo. Tu peux recommencer? Je te les fais pas toutes, mais d'accord. Toi, t'as fait un. toi. Attends, reprends un petit coup d'hélium parce que là, ça commence à. L'effet commence à se barrer. Là, c'est. Attends. Voilà. Voilà, je reprends un petit coup d'hélium. Allez. En fait, alors voilà, c'est toi t'as voulu dire 346, mais non, c'est 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, ouais. 6, 5, 3. Okay. T'as fait une réduction. Et le numéro complémentaire? C'est le 4. D'accord, excellent. Ok. Donc tous ces chiffres sont affichés dans la salle circulaire de mathématiques du Palais de la Découverte. Excellent, d'accord. Donc tout sur un plafond circulaire comme ça, sur un dôme. Exactement. D'accord. Mais à quoi ça sert le chiffre pi, par exemple? Je sais que c'est dans plein de théorèmes et dans plein de calculs. Je sais que tu les connais, toi. Moi, je ne m'en souviens plus, Tortelli. Je sais que tu vas me les rappeler. Alors, le nombre pi. Attends, je vais reprendre un petit peu d'hélium. Alors. À quoi sert-il ce nombre pi? Alors, le chiffre pi, il y a plusieurs explications, en fait. La première explication. Tu veux. La première explication. Ah là, je sens que l'hélium est en train de se barrer. Bon, alors, est-ce que c'est pour le en calculer? En fait, je n'arrive pas à réfléchir avec. Est-ce qu'on peut calculer le diamètre? Non, si on a le rayon d'un cercle, on le multiplie par pi, on ouais, y a le des diamètre, histoires je sais de... pas. Exactement, il ouais, y a des histoires de diamètre, de rayon. Tout ça est bien scientifique. Je reprends ma pour vous expliquer de manière scientifique, de manière quantique, cette idée. Mais peut-être que tu as besoin d'apprendre ce chiffre pi. Bah, peut-être bien que quelqu'un pourrait nous le rappeler entièrement, parce que quand c'était toi, j'avais pas trop compris. Il faut savoir qu'une chanson a été composée en hommage à ce chiffre pi. Excellent. Ça s'appelle, je te le donne en mille, The Pi Song. The Pi Song. Pas le pi. Oui. Enfin, parce qu'en anglais. Pas le pi de la vache. Ça va. Non plus. Comment le pi? The Pi Song. Et l'auteur, je ne le connais pas. Ok. On en rediscutera après. Ok, super. C'est parti. C'est la Pi Song tout de suite. Sur Tortopi. Et Ralbatrax. tu prends un crayon? Je note, tu prends parti. Une feuille. C'est en français, c'est en anglais, c'est comment? C'est en anglais. Ah super, pour tout arranger. T'es chaud? Bah je suis scientifique mais je suis aussi linguiste, y a pas de problème. J'en ai bien conscience. Tout va bien se passer, ça commence par 3. 3, 0, 6. Alors, t'as noté tous les chiffres ? Oui. C'était quoi juste après le 9 ? Parce que j'ai... Il y avait un 3 ? J'avais plus d'encre dans mon stylo Bix. Tu mets un X pour faire Scientifix ? Oui, exactement, parce que oui, ah. Comme t'auras remarqué, Panoramix, Radio Panix. Voilà, alors c'est... ça, c'était le nombre pi, d'accord, mais c'est très intéressant tout ça. C'est très intéressant. Et alors, le nombre pi aussi, une autre fonction, c'est que il est utilisé en informatique pour vérifier les capacités intellectuelles, mais j'ai essayé de lire, j'ai les rien capacités compris. De calcul des ordinateurs en fait. Hein, donc plus ils peuvent aller loin dans les décimales et plus du coup ils ont des bref. C'est une histoire de geek encore. De formules, d'algorithmes. De geeks. De... Non mais par contre il y a eu pas mal de, ouais, de théorèmes avec les gens qui ont donné leurs théorèmes. Ah oui, bah, Pythagore par exemple. Pythagore a donné qui son... avait le mot pi dans son... Il y a aussi Buffon, un mec qui s'appelle Buffon. Buffon, mais c'était un... ouais, c'était quoi, c'était un italien non? Il était gardien de but. Gigi. Gigi s'appelait. Non, il y avait aussi le théorème de Borwein et Plouf. Oui, c'était très très connu. Le théorème de Grégory. Ouais, ça devait se rapprocher de la poussée d'Archimède, je pense, le théorème de Plouffe. Il est venu juste après. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu l'autre, il pousse la pression en dessous l'eau, et puis l'autre, il a ramé Plouf. Bah, il y a eu la méchante poussée d'Archimède, et puis derrière. C'est pour savoir jusqu'où l'eau peut monter ça, suite à un Plouf. Théorème de Plouf, quoi. Oh là là, mais les scientifiques quand même, ils nous font rien. Il y a des blagues hein, spécialisées sur la science, sur les scientifiques. Il y a un humour propre hein, autour de la science. Exactement. Alors tout ça pour, je vois où tu veux en venir, c'est que avant de préparer cette émission, on s'est quand même coltiné des rushs, des films, des audios, des voilà. Machins. On en a bouffé en fait du documentaire autour des scientifiques. FX, fiction, on a tout fait. Franchement, on en est arrivé à une conclusion assez simple, c'est que les scientifiques ne sont pas drôles. ce ne sont pas des gens marrants, en fait. Bah, il y a toujours un souci, une discrimination dans la cour de récré. Enfin, je veux dire, il y a les séries S, là, scientifiques, dans un coin, comme ça, avec les mains dans les poches. En général, ils fument pas, ils sont pas... Ils sont... Sac à dos bien serré, bien haut sur le. Une petite carte magique qui dépasse de. Ah, The World of Warcraft, ouais, peut-être. Ce genre de truc. Et puis il y a les autres, c'est la jungle. Les autres, c'est la jungle. C'est entouré souvent d'un nuage de fumée. Exactement. Exactement. Oui. Sous des escaliers, des trucs dans des coins. Il y a des capsules de bière qui délimitent la frontière. Exactement. Et mais il y a les petits scientifiques comme ça, tranquille. Tranquille. Bah, ça, je sais pas si on peut expliquer. Est-ce que. Bon. Non mais moi j'ai un ami qui avait fait la fac de sciences. Ah et, ouais. C'est toujours un ami. Et la réunion de pré-rentrée, le professeur lui a dit, on n'est pas là pour rigoler. Eh oui. Donc tout le monde, tu sais, il y a normalement on dit ça dans une fac d'histoire, de géo ou que sais-je. Bon. Il y a la moitié qui se barre. Oui, parce voilà. On n'est pas là pour rigoler. Ah bon, ah on n'est oui, pas là pour rigoler. Très bien, bah super. Je me suis trompé. Et là ils sont tous cursus, restés. Quoi. Là ils sont tous restés. Ils sont restés 5 ans. Ils étaient contents, ça a confirmé. On n'est pas là pour rigoler, oh, super. Vous avez le sourire derrière les lunettes, quoi. Tranquille, quoi. Tranquille. Tiens, je remets mes lunettes sur le bout de mon nez et je vois qu'on va parler des mathématiques quantiques. Exactement. À moins que ce soit quantique le musicien, je ne sais pas. J'espère que c'est la deuxième solution pour moi parce que si on parle des mathématiques quantiques, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça s'écrit les exactement les maths Q, comme on dit. Ça s'écrit exactement pareil ou... Les mathématiques quantiques. Ouais. Ouais, je pense. Enfin, Q comme quantité, j'imagine. Je sais pas si c'est à voir avec quelque chose comme ça. Quantique, ouais. Mais il me semble qu'en français, ça serait plutôt Q-U-E à la fin. Alors que là, l'artiste dont on va parler, il s'appelle Quantique avec T-I-C pour finir. Voilà, tic. Donc, sous ce nom se cache un projet mené par un homme. Ô combien respecté dans le. Et peu scientifique. Dans le monde peu scientifique. Ouais. Je sais pas. C'est un anglais, il s'appelle Will Holland et il est à la fois producteur, musicien, DJ depuis des dizaines d'années. Et il traîne pas mal en Amérique du Sud, l'amigo. Vous avez déjà passé un petit son de lui, c'était. C'était de la cumbia. Ouais, un canto a mi tierra. Exactement. Et il avait collaboré avec un orchestre. Groupe. Colombien qui s'appelait Barbaro ton combo orchestra, ouais, je ne sais plus, quelque chose comme ça, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, vous retrouvez ça de toute façon sur les playlists, hein. Il n'y a pas de problème. Et ben Quantique, petit morceau tout de suite sur Radio Panix. Allez, chauffe. Là c'est pas sorcier. Ce sera suivi par Un petit Poupa Gym, je pense. Dancehall Scientifique. Scientifique, exactement. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Oh la merde, j'ai laissé mon bec benzène brûler là. Oh putain. Tant pis. 3-14. 3-14. Le titre dure 3 minutes 14. Si celle-là s'arrête ici, qu'elle revienne, le gouvernement va nous aider. Mais vous savez, elle va coûter aussi cher une fois qu'elle sera faite, avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier, hein, elle va coûter aussi cher qu'un avion. Pas comme le Concorde, bien sûr, mais elle coûtera aussi cher qu'un avion ordinaire. Parce qu'il y a du bordel à faire dedans. L'extérieur est fait. Maintenant, il pourra se mettre à l'abri. Mais dedans, il y a du boulot à faire. À rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Et le mental pour les moteurs. Négatif, positif. Hey, we are the dancehall scientists. Yes, we love to take risk in a do-ba-dop style. Tell you wicked and wild. We are the dancehall scientists. Yes, we love to take risk in a do-ba-dop style. Tell you wicked and wild. When I work in my lab. Not a joke, it is pure reality. call that nobody don't stay long. We are the dance soul scientists. Yes, we love to take risk in a do-ba-dope style. Tell you wicked and wild. We are the dance soul scientists. Yes, we love to take risk in a do-ba-dope style. Tell you wicked and wild. I work in my laboratory. I like to play some wicked harmony. Trust me, boy, I've got a good methodology. I am a scientist, it's not a joke, it is pure reality. We are the dance of scientists. Yes, we love to take risk in a do-ba-dope style. Tell you wicked and wild. We are the dance of scientists. Yes, we love to take risk in a do-ba-dope style. Tell you wicked and wild. Some say it's not a reggae vibe. It's quite odd to describe. Some say it's not roots and culture. They call that do-ba-dope style. We are the dance soul scientist, yes we love to take risk in a panique dans les sciences, panique dans les sciences, panique dans les sciences, panique dans les sciences, panique dans les sciences, panique dans les sciences, panique dans les sciences. Alors Jamy, on en est où là? Je suis toujours dans les studios de Radio Panique, ici à Saint-Josse. C'est vrai? Oui. Et tu sais quoi? Nous approchons de la fin de l'émission, parce non que 1 heure, ça fait 60 minutes. Et 60 minutes, ça fait 3600 secondes. Presque. Presque. Bah si, je crois. 1,1416. Ah. Ben non, il y a combien de... C'est 60 fois 60. Oui. Donc ça fait 36. Oui. Donc 3600. Oui. Ok, d'accord. Super. Je suis peut-être pas scientifique, mais je sais compter. Eh ben t'as niqué mon intro, super. Bon, alors ouais, donc on approche de la fin de l'émission. Tu veux bon pas reprendre un peu d'hélium avec moi? Si, vas-y. Ça y est, j'en ai repris. Excellent, merci. Tu veux ta grosse voix? Je... voilà. C'est où? C'est bon, je te l'ai donné. Là, c'est fat. Là, c'est bon. Voilà, on vient de s'écouter Poupa Jim, Dancehall Scientific. On va finir la... l'émission comme ça. Voilà, ouais. Et juste avant, il y avait un petit extrait quand même de Striptease, la soucoupe et le perroquet. Hein. Exactement, c'était la soucoupe et le perroquet. Positif, négatif et tout le merdier. Bah, comme quoi la science est accessible à tout le monde, la science, tout le monde peut se l'approprier, il n'y a pas de problème. Tu veux construire une soucoupe dans ton jardin, c'est tu le fais. C'est pas si chiant. Positif, négatif, voilà. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Bon, bah c'était bien, bien lourd comme émission quand même. Je pense qu'on a bien poussé le sujet. Hein, on est bien rentré. Ah, on n'a pas poussé autant qu'Archimède, ça c'est sûr. On a quand même poussé le sujet. Oreka. Bon, j'ai trouvé. Il y a un petit programme à disposition pour la thématique scientifique sur Radio Panique. Il y a quand même pas mal d'émissions qui vont un peu pousser la chanson, comme mais Archimède. Voilà, exactement, qui vont pousser, bon, je reprends ma voix, non, qui vont suivre la thématique scientifique. Vous retrouverez toutes vos émissions préférées, Lofi Stories 2.0, Réservoir Dub, Daydream Nation, Johnny Drunker, tout le monde met la 8. Voilà, il y a pas mal de monde qui participe. Les émissions musicales, les émissions d'information, les émissions communautaires, tout le monde y va de son petit grain de sable. D'ailleurs, dans la mécanique. On remercie l'organisation scientifique, l'OST, de cette programmation. Une méthode irréprochable. Voilà. Irréprochable. Il serait cru dans les belles années. Exactement. Organisation scientifique du travail. Enfin, ce sera un peu plus léger, j'imagine, les autres. Ce sera un petit peu moins poussé que nous, mais ça restera... voilà. Ils aborderont quelques sujets comme ça, ils effleureront. À mon avis, ils survolent. Voilà, ils survoleront. Ils se revolent quand nous, on rase. Voilà, la moquette. Je veux dire, à nous, quand on passe, c'est propre après. Voilà, il n'y a plus de microbes, il n'y a plus rien. Les scientifiques, là... Raclette. Bon, super, il nous reste combien de temps? On dit au revoir, on dit pas au revoir? On peut dire au revoir, mais... Ah mais non, mais oui, non, parce qu'on a fait la mécanique, voilà, ok. On a fait... Il y a eu la mathématique quantique. L'astrologie un petit peu. On a abordé le sujet de l'astrologie, l'astronomie, tout ça. C'est fait. Tu peux cocher. CNRS, tout ça. Enfin, les sciences, c'est fait. Non-sciences, machin. La magie, ça, c'est fait. Blablabla. Est-ce qu'on a fait la blague avec l'hélium? Oui, ça, ouais, c'est bon. Ouais, je l'avais pas noté, mais. Ok. Ouais, je mets la petite croix, ça, c'est fait. C'est bon. Et il restait tout ce qui était la chimie, en fait. Ah ouais, on n'a pas fait la chimie. C'est tout ce qui était la chimie, ça on n'a pas trop abordé. On l'a pas fait parce que je me souviens, on était quand même très mauvais à l'école à ça. Oui, et on s'est dit, plus que mauvais, je pense. Si l'émission est dure un peu, on sera peut-être pas obligé. Moi, je m'étais dit, de toute façon, à mon proche, je lui avais dit, de toute façon, un jour, je ferai une émission sur la science. Et moi, je vais lui envoyer. Et voilà. Alors, moi, je fais suivre, hein, tout de suite. À tout mon collège, tout à l'époque, ils vont être dégoûtés. Professeur Boulard. Attends, moi, c'était quand? Ah non, je me rappelle plus. Enfin bref. Il n'y a pas de problème. Mais pour illustrer ce volet chimique. Je voulais trop balancer. Ali le chimique, peut-être, il s'appelait, non? Alchimiste, ouais. On l'appelait alchimiste. Ali le chimique, non? Ali, ouais. Ali le chimique. Ouais. C'est une référence. Enfin, certains comprendront, d'autres non. Je vous laisse. Oh, les mains. Je vous laisse tranquille. Et on vous laisse même tranquille. Puisque c'est un classique qui arrive pour clôturer. Eureka, j'ai trouvé. Chimie, chimie, ya de Old Dirty Bastard. Et voilà, c'est le classique de la semaine. Chimie, chimie, ya. On va en prendre plein les becs benzène. Tranquille. Bastard. On vous remercie. On vous donne rendez-vous la semaine qui vient. Voilà. La semaine prochaine. Une spéciale encore. On n'en dit pas plus. Ce sera sûrement une spéciale. Tout en haut, Israël. Ah, on partira Israël. Du côté de Jérusalem, mais bon. Ça, on verra. Ça, voilà. Il y a encore du monde à consulter par rapport à ça. On vous laisse donc avec nos amis scientifiques de Djibouti sur Radio Panique. Eux, ils n'ont pas été convoqués pour faire une émission scientifique. C'est la méthode. Ils n'ont pas la méthode. Pourtant, ils ont l'hygiène du scientifique. Exact. Elle est bonne. Exact. Tiens Nathalie, tu mettrais une charlotte sur les cheveux là. Allez, ciao et vive la science. À la semaine prochaine. Restez connectés sur le 105.4. Get hard, quick, she went to the ground. For an EMC and any 52 states, I get psycho killer, Norman Bain. My producer slam, my flow is like bam. Jump on stage, I've been addicted. That shit is bam. Ooh, baby, I like it, bro. Yeah, baby, I like it, bro. See, my name is the ODB, and I'll beat your ass. For the ladies who know me, tell them who the fuck I be. For the niggas who know me, tell them who the fuck I be. My style comes down on y'all like what? Sitting on the dock of the bay. By the dock. I'm by the flock. Don't go. By the break, by the block. Got East Coast locked down, padlock. My zoo niggas be all on down by the flock. Yeah, baby, I like it raw. Yeah, baby. motherfucking head. I'm the god who's the head of the lord. Dirty bastard from the Wu-Tang squad. Can I get raw? Yes, I get dirty to the floor. Rhyme hitting on your mind, you can never ignore. Hip-hop to me is like a waste of my specialty. For me to deal with them, say what you wanna say, baby. Yeah, I'll flip the microphone any day. I'm master because I got that gift of gab. Niggas get mad, your ass left my head. This talent that I got will result in SWAT. MC, you got paid a lot. You ever notice a black man jam on slam? When it comes to the money, yo, it ain't money. That's what you gotta do, what you got to do. Come on, can I get the Wu-Tang? Wu-Tang, Wu-Tang.